Élysée. J'ai un grand cœur blanc et ils ont du mal à m'accepter comme destin d'Elisa. Je préfère m'acheter une vue sur la mer qu'une vue à l'Élysée. Facile, que t'es pas forcé devant des kills. Que la vie c'est face ou pile. Aujourd'hui par terre, demain sur une île. Encore des fois.